Vous écoutez toujours Futur Simple et toujours au 89.1 et nous poursuivons donc sur le thème des barrages et de leurs impacts. Audrey Maheu vient nous présenter les impacts des barrages sur les réservoirs et les rivières en aval. Elle concluait sur le besoin d'apprendre à gérer ces impacts. Alors c'est ce que nous allons voir maintenant avec Julien Mock qui est également étudiant au doctorat en sciences de l'eau à l'INRS. Bonjour Julien. Bonjour Valérie. Donc la première idée qui nous vient à l'esprit est que ces impacts en aval du barrage dépendent du débit restant après la mise en eau. Mais finalement, qu'est-ce qu'on en sait de ces débits-là? Comment on les contrôle? Alors déjà, pour commencer, c'est que ces débits restants en bas des barrages, c'est ce qu'on appelle communément les débits réservés. C'est ce volume d'eau qu'on peut voir, bien sûr, au bas des barrages, mais ça concerne aussi toutes les structures et les activités qui vont venir modifier le flux d'eau, comme par exemple les pompages pour irriguer des champs ou alors fournir de l'eau potable pour les populations humaines. Donc toutes ces activités qui éventuellement ont lieu en aval aussi, donc du barrage. Qui ont lieu aussi en aval. On parlait justement des impacts, on posait la question pour les impacts. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est l'évolution qui a conduit à devoir imposer, ce que je disais tantôt, les débits réservés. Donc Audrey en a parlé depuis toujours. Les populations humaines se sont installées près des cours d'eau et des lacs et s'en sont servies pour leur usage personnel. Navigation, irrigation, la pêche, l'eau potable et comme on en parle depuis tout à l'heure, effectivement la production d'énergie hydroélectrique. Mais plus la population humaine a augmenté et plus les besoins pour l'homme sont devenus importants. Et de fait, la pression sur l'environnement est devenue de plus en plus forte, jusqu'à devenir délétère, avec les conséquences qu'on connaît, la surexploitation, l'assèchement, les pollutions diverses et variées. Pourtant, on comprend bien que si vous êtes gestionnaire d'un barrage, votre objectif, quelque part, c'est de le rentabiliser au maximum. Et vous pourriez très bien, pour laisser tout le temps un haut niveau d'eau dans votre réservoir, stopper absolument tout écoulement autant que possible et lors des périodes de crue, relâcher de l'eau à tout va. La problématique, c'est qu'à ce moment, les relâchements d'eau seraient complètement chaotiques, allant du trop peu à trop tout court. Et tout cela au grand détriment de l'environnement aquatique, mais aussi terrestre. Mmh. Ça veut dire qu'on a besoin de calculer, de ménager, de contrôler ce débit réservé. C'est l'objectif justement, c'est de faire la balance entre les besoins humains et le respect de l'environnement. Donc voilà, c'est ça, c'est les débits réservés, c'est leur objectif de concilier ces besoins humains tout en protégeant les milieux naturels et les fonctionnements biologiques qu'on va retrouver dans la rivière, comme par exemple, on disait, les cycles de vie des poissons, mais aussi des invertébrés ou alors des plantes aquatiques. Donc le questionnement est, quel volume d'eau je vais pouvoir laisser en bas de mon barrage pour respecter l'environnement, mais tout en permettant une utilisation optimale de ma structure. Donc tout en réservant pour nos utilisations humaines à nous, pour les besoins futurs, donc surtout un équilibre à trouver. C'est ça. D'accord, donc comment on fait ça? Alors là, on va passer dans le domaine des mathématiques. Il existe au bas mot des centaines de méthodes pour calculer des débits réservés, clairement. Mais on peut les regrouper sous trois grandes catégories. Les méthodes hydrologiques, les méthodes hydrauliques et les méthodes de préférence d'habitat. D'accord, alors allons-y peut-être par l'hydrologique, commençons par ça. Commençons par le début. Donc les méthodes hydrologiques, ce sont de loin les plus simples, puisqu'en fait, ici, ce sont simplement des analyses statistiques d'enregistrement hydrologique. Donc pour faire plus clair, on va prendre des mesures de niveau d'eau sur 10, 20, 30 ans, sur ce qui est disponible. On va calculer, par exemple, un débit moyen annuel ou leur saisonnier, et on va se baser sur cette valeur pour définir notre débit réservé. Donc, dans le fond, ces méthodes hydrologiques vont chercher à maintenir des conditions d'eau qu'on a observées dans le passé, ce qui fait qu'elles ne sont pas du tout appropriées, par exemple, pour des études d'optimisation du débit, puisqu'on n'étudie pas vraiment leurs impacts. Donc il y avait les méthodes, ensuite je ne sais plus quelles méthodes tu as dit. Oui, c'est compliqué. Alors les méthodes hydrauliques, ça c'est la deuxième grande catégorie. Donc là, elles sont un peu plus complexes. Cette fois-ci, on va essayer de lier au débit de la rivière une quantité d'habitat disponible. En fait, on va chercher à calculer la surface qui va être utilisable par la faune et la flore dans ma rivière à travers l'étude des conditions physiques du cours d'eau. C'est-à-dire qu'on va venir étudier, par exemple, la profondeur, la vitesse du courant, la surface mouillée, la granulométrie, plusieurs variables possibles. Ce qui est un peu problématique, c'est que ces méthodes ne nécessitent à aucun moment des données biologiques. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont fournir des résultats pour l'ensemble global de la faune et de la flore, mais à aucun moment elle va s'intéresser à une espèce. Ouais, donc aux besoins de la faune et la flore qui vit là normalement. C'est une vision très généraliste, mm-hmm. en disant bon, on va mettre de l'eau, il y a des choses qui vont vivre dedans, mais on va essayer d'être mm-hmm. au mieux au niveau, mettons, de la vitesse et de la profondeur. Mm-hmm. Donc j'imagine que la troisième méthode, c'est une méthode qui rejoint un petit peu tout le monde, là, tous les... c'est même celle qui va dépasser les deux autres, c'est les méthodes les plus sophistiquées, ce qu'on appelle justement les méthodes de préférence d'habitat, ouais. puisque dans ces cas-là, on va intégrer non seulement les facteurs hydrauliques et hydrologiques, donc les conditions physiques du milieu, mais on va aussi venir chercher et prendre en compte les préférences et les besoins biologiques d'une ou plusieurs espèces mm-hmm. concernées, pour lesquelles on a de l'attention, et pour un ou plusieurs stades de vie. Ok. Donc ça veut dire que, par exemple, on regarde bon nombre de fontaines ou le saumon, puis on lui dit, bah, lui, il faut telle température d'eau, ou alors telle plante, je ne sais pas, il faut telle quantité d'eau, sinon c'est noyé, ça ne pousse pas. Et on essaie de réguler le débit pour les accommoder Typiquement, c'est ça. C'est l'objectif. C'est... en disant que, en voyant la vitesse, la profondeur, tout ça, dire qu'on va augmenter, on va améliorer les surfaces qui vont être utilisables pour eux. Je vais prendre un exemple, oui. Sur lequel je travaille d'ailleurs, c'est sur le saumon atlantique. Mettons que je suis un gestionnaire de barrage et que je souhaite déterminer un débit réservé avec une méthode de préférence d'habitat afin de favoriser la reproduction du saumon atlantique. Donc, c'est-à-dire je focalise sur un stade de vie, le moment de la reproduction, mm-hmm. donc les adultes au moment de la reproduction, et sur une espèce particulière, le saumon atlantique. Donc je vais déjà pour commencer prendre des données physiques, donc encore une fois la profondeur, la granulométrie, la vitesse du courant, et je vais venir chercher les préférences du saumon quand il est venu le temps pour lui de creuser sa frayère. Donc c'est-à-dire son nid là où il dépose ses œufs. Et on va dire il aime les profondeurs de 40 cm à 1m10, des vitesses de 40-80 cm par seconde, et des substrats, il va avoir une préférence pour des cailloux et des galets entre 4 et 12 cm. Donc en connaissant ses préférences, puis en étudiant les conditions présentes dans ma rivière, je vais être capable de déterminer la surface qui va être utilisable pour le saumon mm-hmm. pour se reproduire, et comment cette surface va varier si j'augmente ou si je diminue mon débit. Mm-hmm. Donc souvent ces surfaces utilisables augmentent avec le débit jusqu'à un maximum, parce qu'à trop haut de débit, forcément les conditions deviennent inviables pour le saumon. Mais au final, le débit réservé que je vais choisir en tant que gestionnaire va dépendre bien entendu de l'objectif de conservation que je vais me donner, mais aussi finalement de la perte d'efficacité du barrage que je suis prêt à accepter. Ouais, c'est ça, il faut faire un compromis quelque part. C'est ça. Et puis là, en plus, si on veut que ça plaise à plusieurs espèces, ça doit devenir assez rapidement un casse-tête, j'imagine. C'en est un. Ouais. Donc si je comprends bien, finalement, la gestion, ça se fait à plusieurs niveaux, cette gestion des barrages. C'est clairement une affaire de négociation, je vous dirais, entre les gestionnaires du barrage, les scientifiques écologues et les objectifs qu'on va se donner selon que l'on veuille favoriser, ouais. comme on disait tout à l'heure Audrey, si on veut favoriser des espèces d'eau courante ou d'eau chaude ou des espèces d'eau stagnante ou d'eau froide, etc. Les deux ensemble. Il y a aussi le fait que chaque méthode a sa façon de fonctionner. Donc certaines vont se contenter d'utiliser que quelques paramètres physiques et surtout s'intéresser sur la conséquence que ça va avoir sur la rivière. Donc par exemple, ils vont chercher à éviter un ensablement de rivière, mm-hmm. alors que les plus complexes des méthodes vont venir, comme on l'a vu tout à l'heure, prendre en compte les besoins de la faune et de la flore, et ils vont faire peut-être intervenir des dizaines de variables. Donc les résultats sont différents d'une méthode à l'autre, et souvent, pour évaluer au mieux un bon débit réservé, ça nécessite d'utiliser plusieurs méthodes conjointement. Mm-hmm. Donc je dirais juste pour finir qu'effectivement, on l'a vu, les barrages ont un fort impact environnemental, c'est clair. C'est souvent en parallèle avec les besoins humains qui sont de plus en plus importants. Mais j'ai essayé de le montrer ici, c'est qu'il y a une évolution des méthodes qui va vers un respect de l'environnement et une gestion plus intelligente et plus durable des ressources. C'est ça. C'est comme si avant on en faisait un peu fi, ou on n'en avait peut-être pas vraiment conscience, que là on a pris conscience et on essaie de trouver des solutions. Ça rentre dans les mœurs. C'est bon à savoir. On est heureux de le savoir. merci beaucoup, Julien. Donc, je rappelle que tu fais un doctorat en sciences de l'eau à l'INRS sur ces questions de la gestion des impacts des barrages. En fait, merci à tous les deux d'être venus si bien vous compléter pour nous faire voir cet aspect des barrages. Bon, pour nous, les barrages, c'est ça, c'est une grosse masse de béton qui retient de l'eau, puis ça fait l'électricité, puis ça finit là. Donc, on en sait un peu plus. Et puis, maintenant, on va passer en mode publicité sur CKRL 89.1. Vous écoutez Futur Simple. Et au retour, eh bien, on examinera en détail les impacts des barrages, mais sur la faune et la flore. Donc là, vous allez voir, on va se déplacer au Grand Lac Saint-François et on va rentrer encore plus dans le détail.